Section 19 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 19. Les amours de Gilles, livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 2. Petit cours de comédie italienne. Entrée de masque. Il y a 100 ans, la comédie populaire italienne, qu'on appelait Commedia dell'arte, différait en tout point de la comédie française. L'auteur de la pièce ne fournissait aux acteurs qu'un canevas, 20 ou 25 lignes, qui donnait la liste des personnages mis en scène et indiquait sommairement la marche de l'intrigue. Il fallait que les acteurs improvisassent leur rôle sans s'écarter du sujet imposé et selon le caractère des types comiques qu'ils représentaient. Ces types, peu nombreux, suffisaient pourtant à la satire de tous les vices et de tous les ridicules, à la peinture de tous les sentiments. Pulcinelle, Arlequin, Gilles et Pierrot, le capitaine, Pantalon, le docteur, Stanterelle, Scapin, Scaramouche, Tartaglia, Lélio, Isabelle et Colombine personnalisaient la colère, la ruse, la naïveté, la vantardise, la sottise bourgeoise, le pédantisme, la sotte crédulité, la fourberie, la poltronnerie batailleuse, la bêtise bavarde et bredouillante, le libertinage, l'amour naïf et l'amour savant, et selon les besoins de la fable, se modifiaient de manière à reproduire toutes les variétés de caractères qu'offre la vie. L'acteur incarné dans un type en conformité avec son physique, quelquefois avec son tempérament, s'identifiait peu à peu, si parfaitement au personnage, qu'il lui devenait facile de se mouvoir dans une action quelconque, en restant toujours le type, c'est-à-dire lui-même. Il avait bien quelques tirades familières qu'il plaçait à propos des tirades, éprouvées chaque soir, allongées, raccourcies, corrigées, remaniées de toute façon sous l'œil même du juge, le public, et qui finalement se trouvaient bien mieux faites en vue de la scène, y étant nées que les tirades d'auteur. Mais c'était surtout l'esprit d'à propos du comédien qui s'affinait à ce travail. Dans le feu de l'action, il faisait des trouvailles comiques imprévues. Une question inattendue était-elle posée tout de suite, à la seconde même. Sa verve fouettée trouvait la repartie plaisante. Et si la fantaisie d'un camarade vagabondait hors du cadre prescrit, il fallait qu'il le suivît et le ramenât tout doucement vers le but. Entre acteurs qui se connaissaient bien et qui depuis longtemps avaient l'habitude de se donner la réplique, le dialogue était rapide, brillant, amusant, sans apparence de travail, et le spectateur émerveillé voyait s'agiter devant lui ses héros eux-mêmes, ses héros aimés, vivant leur vie symbolique, et non pas des histrions qui récitent un rôle appris d'avance et s'efforce de le souligner par des gestes étudiés. Ainsi était composée la troupe dont faisait partie Mademoiselle Colombine. Elle partageait l'empire de la grâce avec Mademoiselle Isabelle, laquelle était de naissance illustre, étant la fille d'un grand seigneur qui s'était amouraché de la mère Pulcie autrefois. Les vieilles femmes de la troupe n'avaient que des rôles de comparses. La partie masculine était la plus nombreuse. Il y avait d'abord Maître Cornelio, déjà présenté, et qui jouait les pantalons. Puis le sieur Pasquale, le docteur, le signor Boloardo Gracian de Bologne, un vieux traîneur de planches qu'une philosophie bizarre aux interminables raisonnements n'avait mené qu'à l'habitude, chère depuis longtemps, de se griser tous les jours. Puis le jeune homme Cardoni, un Lélio, un Léandre, un Ottavio de 45 ans, une curieuse figure restée jeune, presque enfantine, et cependant marquée par l'âge, d'un craquelage de petites rides que tous les soirs il bouchait soigneusement à la pâte. Spes affaire, le capitaine, à qui nul ne connaissait d'autre nom que son nom de théâtre, un déclassé qui avait de profondes mélancolies et qui ne confiait à personne le sujet de sa peine, Scapin, un ancien laquais du nom de Fiasco, qui avait dû recevoir bien des bastonnades dans la vie réelle pour des méfaits semblables à ceux qui le faisaient applaudir sur les planches. Tartaglia, un idiot qui était authentiquement titré Comte Carlo Maggi, celui-là était toujours dans le complet abrutissement qui convenait à son rôle. Il y avait encore le vieux Pulcinelle, descendant de père en fils et de Pulcinelle en Pulcinelle, d'un illustre Pulcinelle napolitain, Andrea Calxese, mort en 1636. Cet héritier de tant de gloire était l'homme des traditions et savait très exactement comment chacun de ses illustres ancêtres modulait chaque mot de la langue italienne et les différents dialectes qui en découlent. Il était ivrogne, batailleur et dévot à la bouteille, comme le sieur Pasquale, dont il était le compère. Enfin, il y avait Arlequin, Antonio Antonelli, un charmant jeune homme, vif, alerte, preste, un délicieux Arlequin, mais qui n'était bon que dans la pantomime. Toutes ces personnes étaient réunies dans la coulisse auprès de Maître Cornelio lorsque arriva Séraphine. On attendait qu'elle, pour lire l'ossature de la pièce fabriquée par Maître Cornelio lui-même, avec quelques situations prises dans diverses comédies anciennes. La chose avait pour titre « Le faux galant » ou « Les fourberies de Colombine ». Personnage, Pantalon, bourgeois de Venise, Isabelle, fille de Pantalon, le docteur, fiancé d'Isabelle, Léjo, amoureux d'Isabelle, Colombine, servante d'Isabelle, Arlequin, laquais de Lélio et amoureux de Colombine, Pulcinelle, ami d'Arlequin, le capitaine, ami d'Arlequin, Scapin, ami d'Arlequin, Tartaglia, ami d'Arlequin. La scène se passe à Venise pendant le carnaval. Premier acte. Isabelle et Lélio, fiancés repoussés par Pantalon, s'adorent en secret. Pantalon annonce à Isabelle qu'il la marie à son ami le docteur, lequel tout exprès va arriver de Bologne le jour même. Deuxième acte. Isabelle, désespérée, se résigne à obéir à son père, mais Colombine, sa servante, la console et se charge de chasser le vieux fiancé. Elle emprunte à Arlequin, valet de Lélio, les habits de fête de son maître, en lui promettant de l'épouser si l'intrigue réussit. Il devra de plus, avec des amis masqués, attendre ses ordres. Troisième acte. À l'arrivée du docteur, Colombine travestie se donne à lui pour l'amant heureux d'Isabelle et le persuade qu'il est la dupe d'un père pressé de se débarrasser de sa fille. Puis elle lui fait un tableau si enchanteur de la vie amoureuse à Venise que le docteur se décide à quitter la place au plus vite et à s'en aller vers des conquêtes par la ville. Colombine le confie à des compagnons de plaisir masqués qui ne sont autres qu'Arlequin, Pulcinelle, le capitaine, Scapin et Tartaglia. Quatrième acte. Le docteur parti, Lélio arrive et prenant Colombine pour un rival, lui cherche querelle. Elle s'amuse de lui quelque temps, puis se démasque. Cinquième acte. Pantalon s'étonne de ne point voir son amie. Isabelle est parée pour être présentée à son fiancé. Tout justement, il passe, gris et entouré de masques qui le turlupinent en lui faisant de grandes démonstrations d'amitié. Dans son ivresse, il reproche grossièrement à Pantalon d'avoir voulu le prendre pour dupe. Pantalon se fâche, le bâtonne et le chasse. Lélio et Isabelle se prennent la main et s'agenouillent devant Pantalon. Colombine plaide leur cause et tout finit par deux mariages. Maître Cornelio fit quelques observations, régla les entrées et les sorties, expliqua longuement à Tartaglia, homme de compréhension lente, qu'il n'avait qu'à suivre Arlequin et à faire comme lui. Puis le scénario fut affiché dans un coin, afin que chacun pût le consulter à loisir pendant la représentation. Colombine était enchantée de son personnage. Elle allait pouvoir tenir la scène presque toute seule et paraître dans un coquet travesti fort propre à découvrir aux yeux des spectateurs les élégances de sa jambe. C'était une courageuse artiste que la jolie Espagnole. Un rôle long et difficile ne l'effrayait pas, pourvu qu'elle pût briller et recueillir des applaudissements. Pendant que les autres acteurs préparaient leur entrée et esquissaient des bouts de dialogue, Colombine s'approcha du rideau qui séparait les coulisses de la scène. Dans la salle, une rumeur toujours croissante annonçait que les spectateurs s'installaient. Colombine écarta doucement le rideau et parcourut l'assistance du regard. La scène était vide, éclairée par deux lumignons posés sur des flambeaux de bois. Dans le fond, la salle était presque noire, piquée seulement de petits points de feu par des chandelles qui brillaient dans les loges supérieures. Des ombres se mouvaient, cherchant des places inoccupées. Au stalle, le tapage ne cessait guère. Les étudiants s'y entassaient, repoussant systématiquement les bourgeois de la ville qui voulaient s'asseoir parmi eux. Il s'élevait des protestations indignées, auxquels répondaient des rires moqueurs et des lazis. Parfois, quand un peu de silence se faisait, un cri d'animal adroitement imité ou un violent éternuement soulevait des rires interminables. Puis, c'était quelqu'un du parterre qui apostrophait quelqu'un des loges. Un bout de chandelle éteinte, jeté à toute volée de haut en bas et tombé sur le tricorne du plaignant, était la cause de la dispute. L'assemblée se divisait, prenant parti, qui pour la chandelle, qui pour le tricorne. Pourtant, les querelles n'allaient jamais jusqu'au cou. On savait que le théâtre était lieu privilégié, que les batailles y étaient crimes d'État, et qu'il y avait dans la salle, perdus dans la foule, habilement déguisés, des spires vigilants et bavards, qui racontait tout aux officiers de police, mais que les jeteurs de bouts de chandelle prissent garde de faire tomber leurs projectiles sur les nobles étudiants de l'université. Ceux-là se riaient des lois de la sérénisme. Padoue leur appartenait. Ils étaient les seuls, dans le duché, qui osassent venger publiquement leurs injures et bâtonner à l'occasion les suppôts de Messer Grande. Fin de la section 19, lue par Margot.